L'agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire sous le titre « Intervention préjudiciant sérieusement à la souveraineté » qui dit notamment « Les États-Unis et le Japon parlent de la violation des droits de l'homme des ouvriers coréens en mission à l'étranger et œuvrent lâchement pour ternir l'image de notre République. » Ces derniers jours, le porte-parole chargé de l'Asie-Est et du Pacifique du département d'État américain a prétendu que les revenus des ouvriers à l'étranger s'infiltrent au gouvernement nord-coréen et sont utilisés illégalement au programme nucléaire et des missiles, et que ce problème sera reflété dorénavant à la sanction contre la Corée. Le Japon a essayé d'ajouter au projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, adopté en janvier dernier, l'interdiction de l'embauche de nos ouvriers par divers pays, mais en vain. Après l'adoption d'une nouvelle sanction contre notre pays en mars dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU aussi, le Japon a rencontré individuellement les pays qui contractent nos ouvriers et a tout fait pour l'interrompre. C'est un fait universel que d'entreprendre entre les pays les échanges mutuels de fonds, de techniques et de main-d'œuvre dans les rapports économiques, et personne ne peut le mettre en cause. Dénaturer comme une violation des droits de l'homme de tels échanges économiques normaux et soulever ce problème dans les rendez-vous internationaux en exigeant les pays de ne pas accepter les ouvriers coréens, c'est une intervention grossière violant sérieusement la souveraineté des autres pays au profit de leur objectif injuste.